Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, quand la vie privée devient publique, une série de Manon Prigent réalisée par Séverine Cassard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'entre YouTube et Instagram, qui nous permettent d'assouvir nos penchants d'exhibitionnistes ou de voyeurs, on a voulu en savoir plus sur le plaisir, les avantages et les servitudes de se montrer. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un jeune homme qui s'affirme et qui dialogue des téléphones, des caméras, des likes, des abonnés et une mère de famille qui se met en scène pour avoir sa part du gâteau. Mais pour commencer, dernier épisode... C'est l'heure du live. Influenceur influencé, faire de sa vie privée un métier. Manon Prigent, Séverine Cassard. Je fais des lives Instagram où du coup je vais parler de quelque chose pendant une heure aux gens qui me suivent. Et ensuite, ce live va rester en ligne. Par exemple, j'ai fait toute une série de lives sur le fait de pardonner à sa mère. Où j'ai parlé du pardon, j'ai parlé de qu'est-ce que c'était pour moi pardonner. Et en fait, sur un des lives, j'ai invité ma mère. Donc ma mère est venue à créer un compte Instagram, littéralement, pour participer à la discussion. Et on a fait un live ensemble. Donc il y a vraiment des choses que j'ai dites pour la première fois à ma mère dans ce live. Donc quelque chose de très intime, puisque c'est vraiment dans notre lien. Et je pense qu'elle a pu m'exprimer des choses pour la première fois aussi, parce qu'il y avait cet alibi du public. C'est vraiment un enjeu de se rendre témoin les uns des autres. Je crois que c'est ma vision idéale de l'humanité, c'est qu'on puisse être témoin les uns des autres, des existences des uns des autres. Le contrepoint de ça, ça pourrait être une forme de... d'inquisition ou du fait que chacun pourrait se rendre juge des existences des autres, mais dans un dans un monde surveillé. Voilà, dans un c'est une forme de surveillance. Non, je crois, je le ressens pas comme ça. Je le vois beaucoup plus comme comme de l'interdépendance, du lien, de la connexion, être présents les uns aux autres, quoi, tout simplement. Et du coup, même dans ce qui normalement ne doit pas se dire et ne doit pas se montrer. Le mur de la vie privée est maintenant percé d'une multitude de fenêtres. À travers un œil de bœuf, un Judas ou une baie vitrée, chacun peut s'offrir un coup d'œil, appuyé ou furtif, sur la vie privée de ses voisins. Mais le regardeur, souvent, est aussi regardé. Il participe à cette transaction, disséminant à son tour dans l'espace numérique des morceaux de vie, des fragments calculés, chargés d'intentions et de sous-textes. Jeu de regards croisés, besoin de regarder autant que d'être vu. Pour certains, cela est plus qu'un hobby, une petite marotte personnelle, une pulsion sur laquelle parfois on s'interroge. C'est un métier, rémunéré, soumis aux lois de la concurrence et du marché. Alors que se passe-t-il du côté de ceux dont la vie privée est devenue la matière même de leur métier ? Déjà, j'ai refait le calcul de combien j'utilisais de réseaux sociaux. Et je pense que, disons, quotidiennement, j'en utilise 4. Donc, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a Instagram et il y a SoundCloud. C'est les 4 que j'utilise vraiment quasiment tous les jours. Lille, Instagrammeur. Et donc, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, je pense, vers 2006-2007, avec Facebook, en fait, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens de ma génération, je pense. Mais en fait, je suis en train d'y réfléchir, mais avant ça, avant Facebook, il y avait déjà Skyblog. Et c'était un réseau social, en fait. Et avec vraiment ce rapport où on a une vie parallèle au lycée, on continue la vie du lycée sur les réseaux et sur Skyblog. Du coup, moi, j'avais eu 3 Skyblog. Et je vois à quel point, au fur et à mesure, on construit une esthétique, une mise en scène de sa propre existence. Et donc là, au début, le premier skyblog, je me rappelle, je faisais par exemple les portraits chinois que tout le monde faisait à l'époque. Donc il y avait une photo d'un de mes amis, et puis je lui avais demandé de répondre à tout le portrait chinois, et donc je juste faisais un copier-coller. Sur le deuxième skyblog, j'avais déjà beaucoup plus ce côté où je commençais à écrire des textes qui venaient de moi. Et sur le dernier, il y avait quasiment un... comme un blog, en fait. De quoi il parlait, ces textes ? Beaucoup de communautés, déjà à l'époque. C'est-à-dire que j'avais envie d'exalter l'appartenance, ce qui est très adolescent. Enfin, c'est vraiment quelque chose où je pense que la plupart des adolescents ressentent des choses de cet ordre, de vouloir montrer qu'on fait partie de quelque chose, qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous, qu'on fait partie d'un groupe. Et moi, ça me plaisait. En fait, j'exposais énormément les gens que je fréquentais. Mais vraiment, je faisais des déclarations d'amour à mes amis. Dès que je rencontrais quelqu'un, je l'exposais. Et je pense que tous mes petits copains de l'époque sont au fur et à mesure sur les skyblogs de l'époque, avec des déclarations d'amour. Beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup d'exposition du sentiment. Et est-ce que vous arrivez à savoir pourquoi vous faisiez ça ? Qu'est-ce qui était la... Enfin, c'était quoi la finalité de cette exposition ? Tel que je le ressentais à l'époque, je voulais montrer aux gens que je les aimais. Et aussi, comme il y avait des commentaires sur Skyblog, parler de quelqu'un, c'était aussi peut-être s'assurer de recevoir quelque chose en retour. Quand moi, je partageais, par exemple, que j'avais rencontré quelqu'un ou que j'étais très touchée par une personne de mon entourage, en fait, comme tout le monde avait un Skyblog à l'époque, ou quasiment, ou en tout cas un compte qui permettait de commenter, c'était un moyen de, comme d'appeler un témoignage de l'autre aussi. C'est-à-dire montrer quelque chose de soi, engager l'autre à montrer quelque chose de lui ou d'elle. Bonjour. Oh putain, cette voix de merde. Bienvenue à la table de mon petit déjeuner d'anniversaire. Il y a des crêpes. Il y a du poivron mariné à l'ail et à l'huile d'olive. Il y a du thé. Et il y a ma sœur qui est là et qui n'est pas dans le champ. Enfin, si, on la voit un peu. Et voilà. Bon, j'avais envie de partager un petit moment avec vous. Sur Instagram, ma vie est très publique. C'est-à-dire que je montre mon visage, je parle de mon travail, je parle des personnes que j'aime. Il y a vraiment quelque chose, on pourrait dire que c'est la droite ligne de Skyblog, Facebook, Instagram. On est dans cette exposition de l'intime. Je montre qui je suis et je m'affirme. C'est une affirmation. En plus, moi, je suis une personne queer, transmasculine. Disons que dans la vie civile, on me prend pour une femme et que j'ai à cœur d'exister en tant que garçon, ou en tout cas plus masculin, au monde. Et notamment Instagram et autrefois Facebook a été salutaire dans cette construction de mon identité de genre et de mon expression de genre aussi. Déjà, ma transition... Et je pense que beaucoup de personnes queer vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, mais le fait de dire « en fait, je suis un garçon », il y a eu deux phases. D'abord, une phase où j'ai envoyé un message à mes proches, et ensuite un message public sur Facebook. Et je sais que pour énormément de personnes trans, c'est le cas. Ça passe par une exposition publique, et notamment sur un réseau social. Et moi, je trouve ça beau, quoi. Dans la rue, c'est plus compliqué parce que les règles ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est plus compliqué pour moi quand la boulangère me dit « bonjour madame », d'aller lui expliquer, d'aller me battre. J'ai l'impression qu'il y a moins de flexibilité, moins d'outils à ma disposition pour être la personne que j'ai vraiment envie d'être. Avant toute chose, je voulais vous dire que cette vidéo n'a pas pour but d'étaler ma vie, de dévoiler mon intimité, bien que ce soit extrêmement intime ce dont je vais parler, mais plutôt parce que j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'avoir vos retours, et j'essaye au maximum, depuis le début, d'être très spontanée, authentique, et c'est important pour moi de garder mon privé. Alors oui, il s'agit de de moi, de mon intimité, mais en fait j'en parle aussi parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais, que c'est un sujet dont on ne parle pas, alors soit parce que c'est tabou, soit parce que c'est trop intime, bien que je ne pense pas, soit parce qu'il ne faut pas en parler, enfin je sais pas, mais j'ai besoin d'avoir vos expériences, vos retours. L'intime, tout le monde en parle, tout le monde en discute, tout le monde le montre, l'amour mais aussi la sexualité sont devenus des objets de langage, de discours permanents et de récits. Alors ce qu'il y a de nouveau, à mon sens, ce n'est pas tellement que l'intime se déclare, se montre, c'est que cette déclaration, de plus souvent, devient un récit qui s'adresse à une sphère élargie de personnes, non seulement bon les followers, comme on le dit maintenant, mais tendanciellement à tous. Michael Fessel, philosophe. C'est-à-dire qu'il y a une demande, une exigence, un désir de publication de l'intime, de récit de soi et de ses désirs. Alors, où là, pour l'analyser, je pense qu'il faut à la fois dire ce qui est le plus souvent dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend possible cette publication. Et là, on reviendrait à la question d'Internet, des réseaux sociaux, de toute une série d'applications qui sont fondées sur ce désir de se montrer, de s'exhiber, diront certains. Mais cela ne suffit pas, à mon sens, à expliquer pourquoi aujourd'hui, spécifiquement, ce désir existe. Ce désir, au fond, de ne pas être seul avec son intime, si je puis dire. Alors, pour expliquer ce désir, je dirais que, en même temps que la modernité, surtout l'hypermodernité dans laquelle nous sommes, naît un doute sur ce que c'est que une relation intime. C'est-à-dire, là, il faut faire un petit détour vers le mot même intime, sa naissance et son sens. Le mot intime est introduit dans l'histoire de la philosophie ou de la théologie, en tout cas l'histoire de l'Occident, par saint Augustin, dans un contexte donc religieux, dans les confessions de saint Augustin, où il caractérise Dieu. Hein, Dieu, c'est ce qu'il y a de plus intime que moi-même. Hein, c'est ce qu'il y a de plus intérieur que moi-même. Et donc, ça veut dire que, et ça c'est quelque chose que nous avons conservé, ça veut dire que ce qu'il y a de plus intérieur à moi que moi-même, c'est un autre. Hein. C'est-à-dire, on a bien l'idée d'une relation avec un autre, ici Dieu, hein, pour Augustin, avec lequel ou auquel je vais, en quelque sorte, donner le droit de dire la vérité de ce que je suis. Alors ce qui est nouveau, pour revenir au contemporain, si je puis dire, enjamber un peu les siècles, c'est évidemment que ce qui était conçu comme absolument exceptionnel, comme absolument singulier, tente à se montrer aujourd'hui, peut-être précisément parce que nous n'avons plus cette caution de Dieu, si je puis dire, c'est-à-dire que nous avons substitué, pour le dire un peu simplement, le paradigme de l'amour, le paradigme de l'affection, le paradigme même d'ailleurs du désir, nous l'avons en quelque sorte humanisé. Mais évidemment, cet autre est, si je puis dire, moins sûr que Dieu. Et moi, il me semble que si on prend les choses peut-être de manière un peu plus philosophique que sociologique, ce désir de publication, ce désir de montrer son intime, c'est aussi le désir de s'en assurer, d'être sûr que cela a lieu, dès lors qu'il n'y a plus cette caution religieuse ou qu'elle ne nous est plus donnée. C'est-à-dire pour, et ça n'a en soi d'ailleurs rien de péjoratif ou de négatif, pour que les autres puissent attester aussi de la réalité ou du sens de ce que je suis en train de vivre. T'es coincée? T'es coincée? Oui. J'appelle papa alors. Oui. Allez, on appelle papa. Non. Jana, j'appelle Alexa. Ah! Ambre, mère de 5 enfants, influenceuse, infirmière et pompier volontaire. Allez, papa, on appelle en facecam. Non. Allez, dépêche-toi, on rentre. Mais si tu es coincée. Oui, c'est ça, ouais. Ah! J'arrive! Après la naissance de Winona, donc il y a 2 ans, j'avais décidé justement de me lancer sur Instagram. J'avais dit à une amie, je suis fière de ce que je mène, que je travaille beaucoup avec 5 enfants. Et j'avais dit, j'aimerais bien me faire un compte Instagram. Mais je ne connaissais pas vraiment Instagram. Avant, moi, c'était Facebook. Comme une amie m'en avait parlé, j'ai dit, c'est la mode Instagram, mais pourquoi pas montrer ma famille mon mode de vie. Mais je devais avoir, je sais pas moi, 300 abonnés. Enfin, c'était peut-être 500, mais j'étais pas. J'avais pas un gros compte, quoi. Je peux goûter. Montre, est-ce que tu veux goûter? Non. T'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. C'est pas pour manger. Allez, viens, on y va pas, Sarah. J'ai fait ce compte Instagram pour l'échange, parce que j'étais fière. Franchement, je suis quelqu'un de très modeste, j'ai très très peu confiance en moi, et pour moi, c'était un petit moyen de me donner confiance en moi. C'est, enfin, On va pas changer les gens, hein. Ça me fait pas la psychothérapie Instagram non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours manqué de confiance en moi. Mais par contre, je sais que je suis une bonne maman. Je sais que je fais de mon mieux pour eux, que je travaille beaucoup. J'étais vraiment fière de mener ça de front. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ce compte Instagram et d'avoir tous ces retours de mes abonnés en me disant, des fois je dis des messages des abonnés, mais je pleure. Parce qu'ils me touchent vraiment dans ce qu'ils me disent, quoi. Ils me disent, bah, écoute, on se retrouve vraiment en toi, on t'admire beaucoup. C'est pas que je veux qu'on me porte sur un piédestal. C'est des fois de me dire, eh ben voilà, tout ce que je trime, tout ce que je fais pour ma famille, pour mes enfants, les peu d'heures que je dorme, je morfle, hein, je veux dire, là, j'ai fait la nuit, des fois, la journée, je dors pas, hein, parce que, et je l'ai fait ça pendant presque 10 ans, les nuits, hein, je dormais pas, le matin, je me couchais peut-être 2 heures, j'allais récupérer les petits entre midi et 2, parce que je voulais les voir, les faire manger, je redormais un peu l'après-midi, je repartais le soir à la nuit, je l'ai fait pendant des années. Mais d'avoir une reconnaissance comme ça des personnes, c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais j'en ai peut-être plus que mon mari, qui lui va avoir plus de mal à me dire waouh, ce que tu fais. C'est pas qu'il pense pas. Alex est quelqu'un de très pudique. Il va moins. Je sais pas comment expliquer, ça fait la fille qui casse son mari. Mais en fait, il va être plus dans la pudeur, plus dans la réserve. Il sait ce que je vaux, mais il me le dit pas très souvent. Welcome back to my channel. So today we're gonna do a very long cleaning video. A lot of you guys have been asking for this. Can you please do an hour long clean with me? So today I'm gonna try to do that for you guys and I hope you guys enjoy it. We are starting in the kitchen today and I'm just unloading and loading the dishwasher. I hope you guys really enjoy that. Clean With Me After Dark, c'est un documentaire, un court-métrage documentaire que j'ai réalisé dans le cadre de mes études à la FEMIS, l'école de cinéma. C'est mon film de fin d'études. Gabrielle Stemmer, réalisatrice. Et c'est un documentaire qui se passe sur un écran d'ordinateur. Et on suit la navigation de quelqu'un, donc avec sa souris et ses recherches internet, quelqu'un qui s'intéresse aux vidéos de ménage sur YouTube. Et qui petit à petit plonge dans l'envers de ses vidéos pour aller voir de plus près ce qui se passe chez ces femmes-là, quoi. Et vous êtes partie pour ça des vidéos donc que vous appelez de ménage. En quoi elles consistent ces vidéos de ménage ? Bah c'est très simple, c'est des femmes qui se filment en train de faire le ménage chez elles. C'est venu des États-Unis, donc c'est des Américaines qui font le ménage chez elles. Et alors il y a plein de sous-genres de vidéos de ménage, mais la vidéo la plus normale, c'est le Clean With Me. Et c'est toujours en accéléré, donc avec une musique très un peu fitness. Et on regarde les femmes faire le ménage chez elles. Souvent, il y a une voix off où elles décrivent ce qu'elles font. Parfois, elles donnent 2-3 astuces. En vrai, la vocation première de ces vidéos, c'est que les autres femmes les regardent quand elles font le ménage chez elles pour avoir de la compagnie, quoi. Et alors, quel type de femmes se montrent dans ces vidéos, d'après vos observations ? Alors, au départ, c'était vraiment des femmes au foyer qui se filmaient officiellement pour encourager les autres femmes à faire le ménage. En vrai, je pense aussi pour se montrer en train de faire le ménage et trouver une reconnaissance parce que voilà, le ménage, comme on sait, c'est un travail invisible et elles voulaient montrer tout ce qu'elles faisaient dans la journée pour tenir leur maison rangée, etc. Donc c'est vraiment des femmes au foyer. Hey guys, welcome to my channel. Today I'm going to give you a clean with me. I'm going to keep it raw, I'm going to keep it organic, and I'm going to clean until I can no longer clean anymore. Et hormis le fait de rendre visible un travail invisible, il me semble qu'à certains moments, elles engagent aussi une sorte de processus de confidence avec les personnes qui les regardent. Vous pouvez nous en parler ? Oui, moi c'est ce qui m'intéressait dès le début avec ces vidéos-là, c'était sur leur chaîne YouTube. En général, elles mélangent des vidéos de ménage et des vidéos plus de réponses, enfin questions-réponses avec leurs abonnés ou des témoignages d'autres aspects de leur vie. Et là, souvent, elles parlent du lien en fait entre ménage et dépression. Enfin, il y en a une par exemple qui s'appelle Jessica qu'on voit dans mon film, qui le nom de sa chaîne c'est carrément Keep Calm and Clean. Donc, reste calme et fait le ménage, et elle explique en quoi le ménage l'aide à se sentir mieux quand elle va mal, et cette façon de s'occuper les mains permet de ne pas penser, enfin, voilà, elles expriment très clairement que c'est un palliatif, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était quasiment une constante, quoi. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont des chaînes de ménage ont aussi des vidéos où elles disent qu'en fait, elles sont dépressives. Et même encore plus spécifiquement que ça, ce dont je me suis rendu compte en faisant le film, c'était que il y avait vraiment une catégorie très précise de femmes qui étaient concernées, c'était les femmes de militaires aux États-Unis. Ce qui se comprend en fait, parce que c'est elles qui sont le plus souvent seules pendant de longues durées avec leurs enfants chez elles, et que c'est une façon aussi de sociabiliser, de mettre sa vie sur les réseaux sociaux ou choses comme ça. C'est une manière de discuter avec des gens, d'avoir du soutien, d'exprimer un mal-être, et je dirais de créer une communauté là où, où on pense qu'il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire une femme seule chez elle, elle pense qu'elle est totalement seule, et en fait, bah, elles sont des milliers à être seules chez elle, donc elles peuvent se mettre en réseau, quoi. Hi, my name is Mary. Today, I'm going to talk a little bit about myself, and then I'm going to share my anxiety story. If you've been with me for a while, you know that I do suffer from anxiety. I'm pretty open about it here on my channel. Après, entre-temps, c'est devenu un peu un business. Et donc, c'est plus des youtubeuses en général qui se filment en train de faire le ménage chez elles. Mais en fait, souvent, elles sont youtubeuses professionnelles. Donc, elles ne sont pas femmes au foyer. Et ça engrange des revenus publicitaires. Voilà, ça devient un vrai business. Et d'ailleurs, c'est des vidéos super produites, quoi. Il y a plein d'angles différents, l'éclairage est nickel, elles ont des lampes, des pieds pour poser leurs différents appareils photo. Enfin, ça devient vraiment des grosses productions. Et même, je me suis rendu compte au bout d'un moment que elles se faisaient filmer par d'autres personnes, quoi. Donc, notamment par leur mari. Et donc, c'est plus du tout juste la femme chez elle qui se filme pour partager ce qu'elle fait au quotidien. En 10 ans, YouTube a énormément changé, nécessairement, que ce soit la plateforme elle-même, ses algorithmes, ce qu'elle met en avant, etc. Béatrice Guillier, sociologue. Et nos youtubeuses ont changé parce que, bah, tout simplement, c'est devenu un secteur professionnel florissant, ce qui n'était pas à la base. Alors que l'idéologie de YouTube, l'idéologie do-it-yourself, autopromotion, autoproduction, etc., qui était complètement dérivée d'une vision DIY de la création... C'était plus de la musique qu'on fait dans le garage, mais voilà, des vidéos qu'on fait dans sa chambre. Et ça, faut voir les choses en face, on l'a beaucoup perdu. Déjà, au début, bon, ça restait une plateforme qui, de toute façon, contraint les usages, hein. On pouvait pas faire n'importe quoi sur YouTube. Mais on a quand même, avec la professionnalisation, forcément. Et c'est un peu ça, le drame des youtubeuses. Enfin, le drame. Elles gagnent énormément d'argent et voilà, c'est leur carrière marche bien. Mais il y a quelque chose d'un peu troublant dans sa personnalité, justement, qui était aussi des personnalités do-it-yourself, des amatrices, des gens qui sont formés tout seuls à filmer, à se mettre en scène, à faire leur promotion, qui aujourd'hui sont entourés d'une équipe qui peut aller jusqu'à 8-10 personnes, quoi. Enfin, on a vraiment quelque chose, alors que ce qu'on aimait chez elles, c'était effectivement une certaine forme d'authenticité, qui était déjà une authenticité plus ou moins fabriquée à l'époque, hein, parce que tout simplement, le fait de se filmer, il y avait une mise en scène, il y avait une mise en narration déjà. Mais à l'époque, on avait quand même, oui, l'illusion d'une certaine authenticité, d'une certaine normalité. Tout simplement parce que ce n'était pas encore des millionnaires aussi. Enfin voilà, après, petit à petit, on a vraiment ces youtubeuses qui, j'allais dire, se sabotent elles-mêmes. Non, elles se sabotent pas, puisque effectivement, ça marche bien pour elles. Mais on a quand même perdu le côté, oui, l'adolescente dans sa chambre, on l'a perdu. Maintenant, c'est l'adolescente dans son studio. C'est des jeunes femmes qui sont des girl boss, qui gèrent leur vie d'une main de maître, qui sont à la tête d'une petite entreprise. Et ça, c'est le cas de toutes les grandes youtubeuses maintenant, ont une équipe derrière elles. Elles se filment plus elles-mêmes. Voire, elles font plus le montage elles-mêmes. Donc, on est sur ce mouvement qui, en fait, plus ces youtubeuses gagnent de l'argent, plus elles réussissent, entre guillemets, plus elles perdent leur ethos d'origine, leur ethos de normalité, qui faisait aussi leur popularité, notamment auprès des plus jeunes. Je m'appelle Alison, j'ai 29 ans, j'ai commencé mon activité sur les réseaux sociaux en 2012, donc j'avais 20 ans à l'époque, et j'ai réussi à vivre de ça à partir de 2015, en fait à partir du moment où j'ai fini mes études et où je suis rentrée vivre en France, puisque j'ai fait mes études au Canada. Yo mes petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer ce que j'applique au quotidien en guise de peinture faciale, c'est-à-dire le maquillage que j'applique. Alors, plus sérieusement, en fait, c'est ma routine, donc ce que je fais en ce moment. Alors, sachant que soit je me maquille et je fais tout ça, soit je ne fais rien du tout. Mais en fait, là, je trouvais intéressant de vous montrer les derniers produits que j'ai pu tester, notamment des nouveautés, pour vous montrer si effectivement ce sont de bonnes nouveautés ou si ce sont des choses à jeter. Mais là, globalement, tout ce que je vous montre, bien sûr, ce sont des produits dont je suis totalement satisfaite. Donc si cette vidéo vous intéresse, si ce look vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Et en plus de ça, je vais aussi vous donner quelques petits tips, notamment pour le liner, tout ça, tout ça. En fait, toutes les choses que je fais toujours lorsque je me maquille pour avoir un résultat impeccable. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec. J'ai toujours été assez coquette et je me suis toujours intéressée au monde du maquillage. Et à l'époque, en 2012, il y a quand même quelques chaînes beauté qui existaient. Il y en avait peu, c'était... je me souviens pas, je crois pas que c'est des gens qui vivaient à partir des réseaux sociaux, puisque ça a commencé tout juste à être connu. Et en fait, voilà, j'en suivais beaucoup et j'ai eu envie de faire pareil, tout simplement pour partager. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et mon copain de l'époque m'a encouragée à me lancer. Au début, c'est lui qui faisait mes montages. À quel moment ça a basculé? À quel moment t'as senti que tu pouvais potentiellement en faire un métier? Eh bien, en fait, quand je suis rentrée en France, du coup, j'ai commencé ma chaîne en septembre 2012 et je suis rentrée vivre en France en janvier 2015. Et je me suis laissée 6 mois pour voir si j'arrivais à en vivre. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que oui. Donc, j'ai tout de suite créé mon auto-entreprise quand je suis rentrée en France, en plus, ensuite société. Mais voilà, c'est à ce moment-là, en fait, je me suis vraiment laissée un petit battement et j'ai vu que ça fonctionnait très, très bien. Donc, je me suis laissée porter. Encore une fois, j'ai oublié de dire, si vous partagez le concours en story en nous identifiant, vous avez une chance supplémentaire de gagner. Bisous tout le monde. Alors les filles, il faut vraiment m'écouter, je n'en peux plus de ces repas, je sais jamais quoi faire, j'en ai marre, j'essaye de varier entre poisson pané, crêpes surgelées, mais Émilie m'aide et c'est vraiment topissime. Je ne connaissais pas cette façon de voir les choses, mais elle nous permet de cuisiner avec des légumes variés, une alimentation saine et équilibrée. Et donc Ambre, après la création de votre compte Instagram, vous avez été contactée par une émission de télévision consacrée aux familles nombreuses. Qu'est-ce que le fait de participer à cette émission a changé pour vous? Ça a été un tremplin, le fait d'être exposée comme ça. Les personnes sont allées s'intéresser à notre compte Instagram. Je ne serais pas passée dans cette émission, je n'aurais pas eu cette chance-là. Il y en a qui arrivent des influenceuses sans faire d'émission, et ça, ce sont des vraies influenceuses, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Des femmes qui se battent pour entretenir leur blog, leur compte Instagram, elles ont beaucoup plus de... Elles ont beaucoup plus de mérite que moi. Moi, finalement, j'ai pas de mérite. C'est l'émission qui m'a mis... Non, mais c'est vrai. Les femmes qui se battent pour faire... Moi, j'en ai beaucoup de plus petits comptes que moi. Ça fait des années qu'elles se battent. Et elles me demandent, homme, tu veux bien faire un concours? Ben, bien sûr, je fais le concours, je vais t'aider. Mais la femme, en plus, elle m'a touchée. C'était une maman solo d'une famille nombreuse. Et je me suis dit, je sais d'où je viens, quoi. Enfin, je suis d'une famille modeste, déjà. Et rien que ça... J'ai envie d'aider les personnes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui disent « Ouais, mais non, ils font des placements de produits, ils font chier. » Ouais, mais bon, sois honnête, quoi. Il y avait Olivia Gaillard qui en avait parlé, parce qu'elle aussi, elle vient d'une famille modeste. Elle avait dit une fois, sur sa story certainement, qu'elle faisait, je crois, de 5 000 à 15 000 euros par mois sur les placements de produits. Et elle disait « Avant, c'est ce qu'on se faisait sur l'année. » Pourquoi aller leur cracher dessus et leur reprocher maintenant de faire du placement de produits? Mais putain, mais sois heureux pour eux. Ils ont trimé toute la vie. Ben, la maman, elle était au foyer, elle a élevé ses enfants parce que c'était une famille nombreuse, pour être plus proche de ses enfants. Le papa, Olivier, je crois qu'il est peintre, il bossait comme un taré. Pourquoi leur reprocher maintenant de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Mais sois heureux pour eux. Pourquoi tu es jaloux, en fait? Les gens, je ne les comprends pas. Bon, après, il y a des échelles différentes. Mais c'est une famille qui a trimé toute sa vie. Ils ont des revenus supplémentaires, mais sois heureux pour eux. Tant que ça ne change pas les personnes. C'est-à-dire que moi, de mettre du beurre dans les épinards, enfin, je ne dis pas tout le monde trime, hein. Moi, je suis d'une famille de 6 enfants. Mon père, il travaillait seul. Ma mère s'occupait de nous. C'est un travail, maman, au foyer. J'ai connu mes parents qui trimaient, qui faisaient tout pour nous payer des vacances au camping, mais on adorait. Mais je n'ai jamais manqué de rien. je n'avais pas le dernier jean à la mode, je n'avais pas... et mes parents, ils m'ont transmis ces valeurs-là, vraiment la richesse, c'était la famille et l'amour. On n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais putain, mais si on te la donne, la cuillère, ben prends-la. Non, mais c'est vrai, si on peut arrondir les fins de mois, pourquoi s'en priver ? Il faut avant tout dire que ces youtubeuses, elles ont fait l'objet d'énormément de haine en ligne. Et pour moi, cette haine, elle est quand même liée au fait que ce soit des femmes, au fait qu'elles soient jeunes, et au fait qu'effectivement, à l'origine, elles sont de milieu populaire. Béatrice Guillier. Donc, c'est des personnes qu'on ne voyait pas avant et que certains ne veulent toujours pas voir, pour le dire comme ça. En même temps, maintenant, j'hésite, effectivement, à cause de tout ce que je vous ai dit, les youtubeuses ne sont plus des personnes dominées. Enfin, au niveau de la classe, à plein de niveaux, ne sont pas des personnes dominées. Donc moi en ce moment j'applique deux soins. Premièrement j'applique la crème Magnifica qui est un hydratant anti-imperfection de la marque Sanoflore, c'est une marque bio. Je vous en parle depuis bien longtemps. Est-ce qu'on peut parler d'argent ou c'est... Oui. Ouais. Est-ce que tu peux donner une échelle de à peu près ce que tu gagnes par mois par exemple ? Je dirais que j'ai le salaire, parce que c'est vrai que c'est toujours des sujets qui sont un peu... Alors, j'en parle, moi, très facilement, notamment quand on me pose la question des anonymes ou autres. C'est toujours une question qui revient. Et donc, je dirais que j'ai le salaire d'un cadre. Alison, influenceuse. Quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai fini mes études et quand j'ai commencé à vivre de YouTube, beaucoup m'ont dit « Oh, mais t'as fait 5 ans d'études pour finalement finir sur YouTube. Est-ce que... Enfin, c'est dommage et autres. » Et j'ai envie de leur dire « Oui, mais je gagne quand même bien ma vie. » Alors que... Un jeune travailleur, qui commence en France, alors c'était moins le cas au Québec, mais celle en France, il commence en général super mal payé, avec quand même des responsabilités, pas toujours, voire pas du tout de reconnaissance. Or, moi, j'avais une certaine reconnaissance, de la part de mes abonnés, qui est super gratifiante, et j'avais aussi un salaire tout à fait convenable. Les gens, parfois, ont du mal un peu à se rendre compte, parce que c'est vrai que, par exemple, pour un poste, je sais pas, j'ai quelque chose de 1000 euros. Waouh, pour un poste de 1000 euros. Oui, mais en fait, c'est pas le temps à prendre ta photo, ou le temps à faire ta story, ou dépendamment de ce qu'on nous demande, c'est pas ça, c'est pas le temps qu'on rémunère. C'est derrière l'influence que l'on a. C'est pour ça aussi que, quand j'entends parfois certaines personnes s'exprimer et dire « je n'aime pas le terme influenceur », oui, mais c'est une réalité. En fait, on nous rémunère, on vit grâce à notre influence. Demain, on n'a plus d'influence, c'est fini. Donc, oui, on est plus investi que les autres, parce que en fait, on vit grâce à notre image, et un peu, alors c'est un peu fort, mais un peu grâce aussi à nos états d'âme. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses où on a envie un peu de... On a envie de les mettre en sourdine ou pas forcément envie de poster parce que je me sens pas très très bien et j'ai pas forcément envie de partager ça à ce moment-là ou tout simplement j'ai pas envie de partager. Mais parfois je me sens un peu obligée de le faire parce qu'on a toujours peur et parce que c'est quelque chose qui, c'est une réalité qu'on nous oublie en fait. Parce que ça va très vite. Aujourd'hui, il y a des années, il y avait peu d'influenceurs. Aujourd'hui, il y en a des nouveaux, j'ai envie de dire, tous les jours. Des gens qui percent très très vite, notamment avec l'avènement de TikTok. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde, mais faut se renouveler. Et après, il y a des choses beaucoup encore plus complexes qui arrivent parce que... Béatrice Guillier. Ce qu'on montre de soi, sa personnalité, son identité, parce que c'est ça qui est au cœur du travail des influenceurs aujourd'hui, hein, c'est quand même c'est des marques qui leur proposent des partenariats qui seraient cohérents avec leur personnalité. Et du coup, à partir de là, on commence à construire une personnalité également pour être compatible, pour travailler tout simplement, pour avoir des revenus liés à son activité, à sa personnalité. Ce qui signifie donc que la vie privée du youtubeur ou de la youtubeuse est une marchandise comme une autre qui sert à promouvoir d'autres marchandises. Oui, complètement. Marchandise monnayable, et monnayable très très cher, hein, effectivement. C'est pour ça que les youtubeuses essayent de donner une image très cohérente d'elles-mêmes. D'un côté, parce que effectivement, elles ont des hordes d'abonnés derrière elles qui essayent de pointer la moindre incohérence dans leur parcours, parce qu'on attend de ces femmes-là qu'elles soient cohérentes et qu'elles soient authentiques. Mais il y a vraiment cette idée que la personnalité, oui, on va dire la personnalité de la youtubeuse est monnayable, et de ce fait, il faut absolument pour elle, effectivement, garder une cohérence aussi pour que les marques repèrent. Enfin, une fois qu'on s'est positionné sur le secteur Aujourd'hui, c'est assez. Elles ont évolué, donc maintenant, c'est peut-être plutôt jeune maman bio, zéro déchet, qui fait du yoga. Je le dis vite, mais il y a vraiment beaucoup de youtubeuses historiques qui se sont positionnées sur ce secteur-là, quoi. D'autant plus que, en fait, elles sont dans un récit de rédemption qui plaît beaucoup, parce que c'est aussi ça, c'est qu'on cherche des schémas, traditionnels qu'on retrouve dans la fiction en général. Et donc, cette figure de la rédemption de la youtubeuse qui, il y a 6 ans, faisait des hauls, donc des déballages de tout ce qu'elles avaient acheté chez H&M, de tout ce qu'elles avaient reçu de marque dans des vidéos qui duraient une demi-heure, 45 minutes, où elles montraient une somme d'emballages plastiques, de cosmétiques testés sur les animaux, incroyables, et qui, 6 ans après, peuvent dire, j'ai arrêté de manger de la viande, j'essaye de réduire les partenariats avec mes marques, de moins voyager, etc. Donc ça, je pense que il y a quelque chose qui plaît aussi là-dedans, parce que on parle souvent d'évolution, les commentaires des youtubeuses aujourd'hui disent beaucoup, j'adore ton évolution. Donc voilà, c'est aussi un parcours qu'on valide. On connaît son quotidien à soi, mais on ne connaît jamais le quotidien des autres. Et là, le fait que toutes ces femmes se filment et le montrent, même si sans doute il est souvent faux, arrangé, embelli, etc., ça, je sais pas, je trouve que ça crée un lien avec d'autres femmes, quoi. Gabrielle Stemmer, réalisatrice. Même si c'est un lien totalement. Moi, je communique jamais avec toutes les femmes que je regarde. Je commente pas, je like pas. Je suis une observatrice complètement. Silencieuse, mais je pense que c'est de la curiosité et puis au bout d'un moment un attachement parce que qu'en fait je me suis rendu compte, ça fait bien 5, 6, 7 ans que je regarde des vidéos YouTube, donc certaines fois une youtubeuse je peux la suivre depuis 8 ans et donc il se passe plein de choses dans sa vie, c'est une sorte de télé-réalité encore plus réelle que la télé-réalité et c'est un peu comme une amie lointaine dont je suivrai les aventures sur les réseaux, quoi. Et quelle youtubeuse vous regardez en France? En France, c'est plus une passion coupable en France. Je regarde des youtubeuses comme Angel Phoenix ou Je ne suis pas jolie. Donc des grosses youtubeuses plus jeunes que moi et qui s'exposent beaucoup pour le coup sur les réseaux et qui ont une évolution hyper... Elles connaissent beaucoup de gros changements, quoi. Aussi, en raison de leur métier, il faut souvent se renouveler, etc. Et puis après, elles ont un parcours normal. Je ne suis pas jolie, par exemple. Je pense qu'au début, quand je regardais, elle devait avoir 18 ans. Là, elle doit en avoir 25 ou 26. Elle a un enfant, elle s'est mariée, elle a une boutique en ligne, elle se la joue vraiment entrepreneuse et tout. Donc, on voit leur reconversion, comment elle se cherche aussi un rôle, enfin une image, comment, en fonction des modes, elle change aussi un peu leur ligne éditoriale, mais du coup aussi leur vie, puisque c'est deux choses qui sont complètement mêlées, la ligne éditoriale de la chaîne et leur vie à elle, puisqu'elle se filme au quotidien. Et en fait, c'est ça qui intéresse les gens, c'est de voir à quel moment elle ment. Et en fait, en général, sur les réseaux, on cherche toujours le moment de la faille, quoi. Ce qui était le cas avec les vidéos de ménage, je cherchais derrière ce que ça cachait. Et Je ne suis pas jolie, comme elle a un côté très j'ai réussi, je suis devenue connue, je fais les choses très bien, je suis une bonne entrepreneuse, je suis une maman, mais je suis une maman active et puissante, etc. Elle surfe sur des tas de tendances et c'est un peu ce que les gens lui reprochent, quoi, de pas être authentique et de changer de peau à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance qui émerge. Mais c'est pareil pour Angel Phoenix, hein, par exemple. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'évite de faire depuis 2 ans maintenant. Et il y a un moment dans la vie où il faut se confronter aux choses qu'on n'aime pas et je pense que c'est le bon jour aujourd'hui pour faire ça. Si vous avez vu ma vidéo sur les crises d'angoisse, l'anxiété, crise de panique, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici, vous avez juste à cliquer dans le petit i là-haut. Je vous avais parlé aussi du fait que cette année j'avais envie d'être plus sincère, plus honnête et encore plus transparente avec vous dans mes vidéos parce que j'aime faire ça. C'est ma manière à moi d'être proche de vous et ça m'aide aussi à me construire et peu importe ce que les gens en pensent, moi personnellement ça me fait beaucoup de bien et j'adore faire ça. Donc pour moi c'était très important de vous parler de ça aujourd'hui parce que j'estime que c'est un sujet tabou dont on parle pas et je vois pas pourquoi je le ferai pas aujourd'hui parce que je sens que j'ai besoin de vous en parler pour avancer dans ma vie personnelle et que j'ai l'impression de vous mentir si je ne vous le dis pas. Donc j'ai attendu et aujourd'hui je sens que j'ai besoin de tourner la page et pour ça je vais vous faire une vidéo. Oui, il y a des effets d'annonce, qui souvent sont liées en plus à un plan commercial, quoi. C'est-à-dire, j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dirai plus tard. Donc, ça fait des vues sur la vidéo suivante. Donc, elles en jouent. Et en même temps, c'est vrai que du côté des spectateurs, il y a une sorte de sentiment que les youtubeurs nous doivent quelque chose. Ils doivent nous raconter ce qui leur arrive, etc. Parce que c'est grâce à nous aussi qu'ils sont connus, qu'ils ont de l'argent. Je pense qu'il y a ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a souvent des exemples de youtubeuses, par exemple, qui mettaient en scène leur vie privée avec des petits amis, des choses comme ça, qui se séparent et qui, le coup d'après, ne veulent plus montrer leur nouveau petit ami parce qu'elles savent qu'en fait, c'est sans doute lié à cette exposition si les choses se sont mal passées. Et là, ça rend les spectateurs fous, quoi. Ils disent, mais tu ne montres pas qui c'est, d'où vient-il, quel âge a-t-il, une sorte de... comme si on nous devait quelque chose, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale. Je ne sais même pas par où commencer. Il y a un sujet que je n'ai jamais abordé sur cette chaîne parce que c'est la chose qui m'est la plus chère, surtout la chose que je veux le mieux défendre et le mieux cacher, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement complexé. Voilà, il y a des moments où vraiment on se trouve dégueulasse et je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Je suis pas une exception, heureusement ou pas d'ailleurs. Et disons que j'aurais aimé vous en parler, mais je ne me sentais pas légitime. Mais en parlant de tout ça avec beaucoup de personnes, des amis proches, des gens que je venais de rencontrer, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un certain pouvoir et que moi aussi je pouvais parler de tout ça sur ma chaîne et peut-être que ça pouvait vous aider ou du moins vous faire du bien parce que les filles qui ont le même problème que moi, quand je leur en parle, elles se sentent moins seules et en fait à deux on cède. Je me suis dit que je me sentais prête à vous parler de certains sujets et notamment les troubles du comportement alimentaire. Ça a commencé chez moi il y a 10 ans. Donc j'étais en seconde 2007, je m'en souviens parfaitement. Ça s'est vraiment empiré lorsque j'étais à Montréal. Et depuis que je vis seule à Nancy depuis 2 ans, c'est infernal. Ces dernières semaines, et c'est aussi pour ça que j'ai moins filmé, c'était pire que tout. Donc pour vous faire un très bref topo, j'ai passé les dernières années de ma vie à manger, vomir, pas manger, vomir, vomir. Et aussi loin que je remonte, on va dire sur ces 4-5 dernières années, j'ai pas passé une semaine sans vomir. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne, je ne parlais que de maquillage. Alison. Et c'est vrai qu'alors parce que j'ai grandi, je pense, parce que je me suis affirmée, parce que j'ai plus confiance en moi, et puis parce que avec le temps, j'ai compris aussi parfois que parler de certains sujets moins faciles, et parce que aussi je ne suis pas la seule à le faire. Aujourd'hui, je vois plein d'influenceurs parler de plein de sujets qui n'étaient pas forcément abordés il y a quelques années. La parole s'est vraiment libérée et ce pour tout. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que pour moi, derrière la tristesse, il y avait forcément le résultat d'un échec personnel et par fierté, question d'ego aussi, je voulais pas montrer quand j'étais triste. C'est encore quelque chose que j'ai parfois un peu de mal à faire aussi parce que ça ne concerne pas que moi et que on est suivi en fait par beaucoup de gens, par des inconnus, mais on est aussi suivi par des gens que l'on connaît. Et on n'a pas forcément envie de voir ces personnes que l'on connaît justement être au courant de ces choses-là. Notamment quand j'ai abordé mes TCA, je sais que ça a été compliqué parce que c'était pas tant d'exposer ça à des inconnus, c'était d'exposer ça à des gens qui me connaissent, qui vont me croiser quelques fois en soirée, qui me connaissent de vue en fait. Et j'avais peur qu'on m'associe à ça. Aider les gens, c'est génial, en parler à des inconnus, aucun problème, en tout cas maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, mais je sais que sur le moment, c'est plus en fait le regard des gens que je connais. Donc je vais devoir assumer le regard, entre guillemets, ça peut plus m'embêter. Et c'est pour ça, je sais plus à qui je l'ai raconté, ça devait être un ex, mais justement, je lui disais, mais en fait, s'il te plaît, alors bien sûr, je suis sûre qu'il l'a fait, hein, mais ne va pas voir mes vidéos, et je sais que ça a été le cas il y a quelques mois, où j'ai revu un ex et il m'a dit « Oh, j'ai regardé cette vidéo et tout » et je me suis dit « Ok, en fait, lui, il a toujours accès à ma vie, alors que moi, non. » Lille, vous utilisez aussi Instagram pour des raisons professionnelles. Comment vous faites la frontière entre des choses qui ont une finalité, on va dire, communautaire, ou en tout cas qui sont là pour vous lier aux autres, et celles qui sont là pour... Vendre. Oui. Ben, je suis entrepreneur déjà, donc c'est-à-dire que je dois vendre pour avoir de l'argent. Je vends des accompagnements. Je suis coach, on va dire. Même si la casquette est un peu dévoyée, galvaudée, je suis dans la relation d'aide en fait. J'aide les gens à être au monde, quoi. Et du coup, fatalement... la place d'Instagram dans cette question d'être au monde, elle est centrale. Et en fait, elle est, je peux très facilement la convoquer dans le cadre de ce que je propose comme accompagnement, en fait. Et c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs en ligne, parce qu'on vend, toutes les personnes qui vendent de l'accompagnement, on est quand même en train de vendre une certaine qualité de vie. Et de quelque part, être un exemple de ce qu'on peut atteindre comme qualité de vie si on a terminé son développement personnel, quoi. Terminé. On n'a jamais terminé, mais si on a avancé. Et en tout cas, s'ils ont été accompagnés par vous, à quoi ils peuvent s'attendre ? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer ? Qu'est-ce exactement qu'ils peuvent atteindre ? C'est exactement ça. C'est, y a un effet miroir. C'est-à-dire que j'ose espérer que, par exemple, des personnes qui n'osent pas se montrer d'une certaine manière ou dire qui elles sont, en voyant que je le fais, ça leur donne envie de le faire aussi. Donc il y a un enjeu inspirationnel par rapport à ça. Et quand elles voient qu'elles n'y arrivent pas toutes seules, je peux proposer de l'aide. Et donc vous avez un devoir d'exemplarité. J'ai un enjeu plus qu'un devoir, c'est-à-dire que si je le fais pas et si je suis pas visible dans ce que je suis, c'est compliqué pour moi d'être contactée pour travailler, ouais. Donc oui, on peut parler de sorte de d'enjeu, quoi. Je suis dans une certaine mesure contraint. Et alors ça, je sais pas si vous avez le droit de répondre à cette question, mais est-ce que il y a des moments où vous avez l'impression de survendre quelque chose, enfin en tout cas d'être dans une forme de posture stratégique, commerciale, plutôt que dans cette authenticité dont vous parliez tout à l'heure? Posture stratégique, oui. C'est-à-dire que tout ce que je partage, quelque part, doit être séduisant. Après, ça pose la question de qu'est-ce qui est séduisant, qu'est-ce qui est sexy. Et comme moi je crois que la vulnérabilité c'est sexy, ça m'aide beaucoup à justement pas être trop dans quelque chose qui ment, quoi. On sait, en fait, c'est ça. On sait pas pourquoi on va être acheté, en fait. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui fait que les gens ont envie d'être accompagnés par moi. Donc, j'ai l'impression que dès que je tombe dans un enjeu de montrer, pas montrer, ou de mentir parce que, si ça se trouve, en fait, je suis en train de passer à côté d'une vente en faisant ça. Et peut-être je vendrais mieux en disant ce que je suis en train de ressentir, quoi. Vous avez visiblement, entre les réseaux, enfin, par exemple, ne serait-ce que sur les Skyblogs et sur Instagram, laissé beaucoup de traces de vous. Ouais. Est-ce que vous, ça vous inquiète de vous dire qu'il y a autant de traces de vous qui sont, voilà, disséminées dans un espace qui, à certains moments, dans certaines circonstances, peut peut-être vous échapper? Ah, c'est... Ça m'inquiète pas pour l'instant. Je me sens pas assez exposée pour que ça soit inquiétant. Je pense que si un jour je me retrouve exposée à 10 000 personnes, j'aurais peut-être un enjeu de supprimer des skyblogs ou des choses comme ça. Alors là, voilà, on est sur mon compte. Alors je mets souvent alors des photos du mariage. Alors les gens, il y en a qui me disent « Oh là là, elle nous saoule avec son mariage !» Ah ça, je me suis dit « Je vais la mettre, je vais avoir des réflexions, elle fait des bisous sur la bouche de ses enfants. » Enfin, tu vois, Là, il y a combien de commentaires ou combien de likes, par exemple, sur cette image-là? Ah, sur cette image, 21 000. 21 000, mais pourquoi? C'est pas par rapport à la photo, c'est par rapport au texte que j'ai mis. C'est les esprits tordus en déduiront des histoires à la hauteur de leur imagination déjantée parce qu'Alex prend la petite dans ses bras. Et ça, on est pointé du doigt par rapport à ça. Et j'ai dit, n'oubliez pas que pour vous, c'est seulement le fruit de votre imagination malsaine, mais que pour nous, c'est du vécu, de la vraie vie et surtout de la réalité de l'amour débordant dans notre famille. S'exposer sur les réseaux ouvre les portes aux calomnies, aux propos diffamatoires, aux esprits tordus et aux camps. Vous devez vous demander pourquoi je continue alors, pourquoi je persévère à partager avec vous ces moments de ma vie d'une grande importance à mes yeux, quitte à faire face à ces critiques incessantes. La réponse est simple, autant qu'il est simple pour vous de nous transmettre de l'amour et de l'amitié, vos partages, tu vois, ça me donne des frissons parce que je suis tellement vraie dans ce que j'écris, vos partages nous enrichissent jour en jour, je suis bien entourée par mes proches et je ne vis pas qu'à travers Instagram, mais échanger avec vous, vous transmettre mon côté imparfait de maman et de femme, nous permet tous ensemble de se déculpabiliser. Et malheureusement, pour être vraiment influenceuse, il faudrait que j'arrête de travailler. Parce que moi, je trouve que d'être influenceuse, ce n'est pas que justement les placements de produits, mais c'est aussi la proximité avec ses abonnés. Et moi, je suis frustrée quand je ne peux pas leur répondre. Alors, je veux dire, au début, par exemple, aux urgences, quand j'avais un moment de pause, j'étais avec mon téléphone, à pause repas, en train d'essayer de répondre à mes abonnés. Je disais, je vais prendre du retard, parce que pendant le travail, je ne peux pas le faire, quoi. Mais après, je me suis rendu compte que je me coupais de mes collègues de boulot aussi. Donc, c'est pas une solution. Il y a des collègues qui m'ont dit, pétard, on est en pause, t'es avec ton téléphone. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille une ou deux fois. Je dis, mais ils ont raison, en fait. Donc, je ne voulais pas que mon métier d'influenceuse empiète sur mon métier d'infirmière. Ça a empiété aussi dans ma vie de maman. Hein. Faut pas se leurrer. Dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, Alex, des fois, elle me disait, oh putain, mais franchement, t'es obligée là, avec ton téléphone. Mais je lui dis, mais c'est important. J'ai dit, les abonnés, ils me suivent. Je veux pas justement que leur montrer des placements de produits. Parce que mon compte Instagram, ce n'est pas que ça. C'est en plus, c'est du beurre dans les épinards. Mais ils me suivent sur Instagram, pourquoi? Ils me suivent pour ma vie de famille, pour mes conneries, parce que moi, je suis un petit peu un clown. Donc, je n'ai pas envie de leur montrer que ça. Je rentrais du boulot, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais direct, tu filmes? Je dis, oui, parce que je me suis dit, mes abonnés, comme moi, ils ont entendu toute la journée de voir mes enfants, alors je suis contente. Et Alex, ça, il me l'a reproché à un moment. Il m'a dit, t'es beaucoup sur ton téléphone. Oui, je suis beaucoup sur mon téléphone, mais Instagram, c'est devenu mon travail aussi. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je me suis... pas que je me suis éloignée, mais avant le mariage, c'était trop. En tout dans le mois, en enlevant l'émission, les pompiers, les urgences, je devais avoir 6 jours de repos par mois à faire le ménage, à préparer mes placements de produits. Et où tu n'es pas concentrée finalement, parce que tu es à la maison, mais tu dis... ils te disent, maman, je peux faire ça, tu peux jouer avec ça, tu peux jouer avec moi... À ça, attends, j'arrive, je fais mes placements, il faut que je prépare. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je réponds à mes abonnés. Je me suis dit, finalement, tu as fait ce compte Instagram parce que tu es fière d'avoir cette famille, d'être à la tête de cette famille, de mener tout ça de front. Mais là, tu te coupes un peu de limite de tes enfants. Il y a quelque chose de l'ordre du cyborg dans ce qui se passe avec nos téléphones. En tout cas pour moi. Le téléphone fait partie maintenant de mon rapport à l'existence. Il y a même quelquefois, j'ai l'impression de mieux voir à travers le téléphone. Ça m'est déjà arrivé d'être face à quelque chose que je trouve beau et de vouloir le voir encore plus beau et d'utiliser mon téléphone pour être comme plus en contact avec ce qui est en train de se passer. Et il y a quelque chose d'un peu cybernétique là-dedans. Un peu, comment on appelle ça ? Transhumaniste. Et cette interface-là de que me donne le téléphone, des fois, j'ai besoin de m'en extraire. De revenir à mon corps physique de chair et de sang. et à la matière organique, quoi. J'ai vraiment l'impression que quand j'utilise mon téléphone et les réseaux et Internet, je suis projetée dans un espace virtuel hyper riche et dont j'ai pas envie de me couper complètement. Et en même temps, des fois, besoin de revenir à la vie organique. Et quand on s'était eu au téléphone la dernière fois, vous m'aviez dit que vous aviez planifié une déconnexion ou en tout cas un retrait d'Instagram. Est-ce que ça s'est produit ? Oui, j'ai fait des funérailles en décembre dernier. J'ai quitté Instagram... Et je l'ai mis en scène pendant un mois. Et pendant un mois, du coup, j'ai dit au revoir à Instagram. Et donc, j'ai planifié la fin de ce profil. Je l'ai... Comme si je me suicidais. Il y avait vraiment ce truc-là. Donc, je suis partie le 15 décembre. Et je suis revenue en mai, je crois. Donc, ça a fait quasiment 6 mois de déconnexion. Et pendant ces 6 mois, je n'existais plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 6 mois ? Est-ce que vous avez vraiment vécu différemment ? Ouais. En fait, c'est... je me rappelle au début, j'avais cette tentation, parce qu'en fait, comme on partage beaucoup des petits moments de l'existence, littéralement, ce matin, j'ai partagé le fait que je venais ici. et comme on partage, il y a ce cette fenêtre sur notre vie, on a des réflexes, des habitudes de je mange, je partage ce que je mange, ou j'ai une idée, je partage mon idée. Et en fait, là, il y a le réflexe qui est là, mais on ne peut pas le faire puisqu'on a décidé de ne pas le faire. Et ça crée une frustration. Et je trouve que ça, du coup, ça fait retourner à pourquoi j'avais envie de faire ça. De quoi j'ai besoin là? Qu'est-ce qui fait que j'avais envie de partager? Et souvent, c'est un enjeu de connexion. C'est qu'on a envie de le dire à quelqu'un, que ça soit reçu quelque part. Et donc, j'ai beaucoup plus connecté avec mes proches pendant cette déconnexion. J'ai beaucoup utilisé, par exemple, WhatsApp, des choses que j'aurais mis sur Instagram. Je les ai mis sur WhatsApp, par exemple. Et vous n'avez pas du tout songé à continuer cette déconnexion? Ben, pour des raisons pro, c'est quand même pratique Instagram. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose qui me plaît dans l'esthétisation. Ça oblige à la réflexivité, et la réflexivité, ça peut être intéressant pour avoir une vie plus consciente. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vie plus intense parce qu'elle est vue, ouais, que si elle n'était pas vue? Oui, complètement. Et je crois que ça m'oblige à me voir aussi, en fait. Merci à Alison, Ambre, Lille, Michael Fessel, Béatrice Guillier et Gabrielle Stemmer. Merci également à Angela Lorente et Fabien Grandjean. Avec des extraits issus du film Clean With Me After Dark de Gabrielle Stemmer et des vidéos des comptes Instagram et YouTube d'Ali Fantasy, Coucou les Girls, Enjoy Phoenix, Famille Doll by Ambre et Le Garçon du Placard. Prise de son, Yann Frécy et Romain Lenoir. Mixage, Marie Le Peintre. Coordination, Perrine Carvran et Marie-Vonne Abolivier. Influenceur influencé, faire de sa vie privée un métier, un documentaire de Manon Prigent et Séverine Cassard. Et pieds, exhibitionniste, outé, impudique, guetteur ou instagrammeur, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, on se demandera pourquoi on mange de la viande. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.